La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 2 décembre 2018. Heureux de vous retrouver ce soir autour du magnifique travail du créateur sonore Richard Chartier, un artiste américain, un créateur prolifique de la scène minimaliste dont je vous fais entendre sans plus tarder un premier extrait, un titre « Why Pretend the Desire of Absence ». Was it your dream? Alors, on vient d'entendre une pièce intitulée Why Pretend, Desire of Absence. C'est tiré de l'album Ravishment of Mirror Expanded. Richard Chartier, c'est un designer graphique, DJ, critique, commissaire, auditeur et éditeur sonore qui anime avec passion l'univers des arts depuis une trentaine d'années. Ses créations et ses installations explorent les qualités spatiales du son, le silence comme matière tonale et les phénomènes de l'écoute. Il vit et travaille à Los Angeles. Richard Chartier a collaboré avec de nombreux compositeurs et artistes sonores, dont la Montréalaise France Jobin, l'Australien Robert Kurgenven, William Basinski, Taylor Dupree, le groupe AGF et Jan Novak notamment. Ses œuvres ont été présentées dans des galeries et musées sur la scène internationale, au lieu unique à Nantes, à Mutec et chez Oboro à Montréal, à la Fondation Gaspard de Barcelone, à la Biennale de Whitney, et j'en passe, la liste est longue. Il a performé en Europe, au Japon, en Australie et en Amérique du Nord. Richard Chartier est aussi connu sous le pseudo Pink Courtesy Phone, lequel propose des sonorités davantage musicales, et je vais y revenir en cours d'émission. En attendant, on poursuit ça avec une deuxième pièce tirée de l'album A Ravishment of Mirror Expanded, et c'est intitulé Calling. C'est paru en 2018 sous le pseudo de Pink Courtesy Phone. Thank you. L'approche minimaliste de Chartier se caractérise par l'exploration de la matérialité du son dans l'espace et de sa perception. Je cherche, dit-il, à créer des textures complexes qui appellent à une écoute attentive. Le caractère à peine audible des sons que j'utilise résulte d'un processus de réduction minutieux qui respecte l'intégrité de la matière sculpturale du son. Mes compositions explorent le silence dont les durées prolongé pousse les auditeurs à des niveaux de concentration et d'attention toujours plus élevés. C'est toujours Chartier qui poursuit. Mes performances live diffèrent toutefois de mes compositions enregistrées par une audibilité accrue réalisée dans la quasi-obscurité. Mes performances portent sur la nature concrète, matérielle du son. Les auditoires se disent parfois transportés par le son, vivant de la sorte d'une expérience nouvelle du temps et de l'espace. Pour mes installations, je cherche aussi à orienter l'attention du public vers certains aspects de l'expérience sonore. Une galerie vide, dit-il, est un environnement d'écoute efficace quand elle offre le potentiel d'une expérience physique renouvelée. Je supprime souvent les repères visuels de l'espace afin que l'auditeur expérimente le son dans son corps et selon son positionnement dans l'espace. Alors, on vient d'entendre un extrait d'une pièce intitulée « Récurrence ». C'est tiré de l'album « Subsequent Material » dans un article paru en avril 2018 dans la revue Phonograph Corp et intitulé « J'ai longtemps été obsédé par le silence ». Chartier raconte ceci, et là j'ouvre les guillemets. « J'adorais écouter le son des appareils électroménagers étant enfant, surtout le réfrigérateur. J'ai débuté la musique électronique en 87 sur des synthés pour ensuite faire un travail plus abstrait, influencé principalement par Zoviet France, The Affleur Trio et John Duncan. J'étais intéressé par les tonalités de drone ou bien déstructurées. Puis j'ai abandonné les synthés à la fin des années 90, trop musicaux à mon goût pour créer désormais avec l'ordinateur et les logiciels. Ça m'a permis de travailler de manière plus intuitive. Ce fut libérateur. J'ai sorti mon premier album en 98 intitulé « Direct Incidental Consequential ». Je le trouve très éclectique. Pardon. Je crois percevoir l'influence de mon réfrigérateur. C'est assez étrange de l'écouter aujourd'hui. Cela dit, raconte Chartier, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes fascinantes et talentueuses comme Hélé, Franck Jobin et l'harpiste Gwaneth Ventink. Travailler avec des artistes visuels a aussi été très gratifiant. C'est une bonne manière de se rafraîchir l'esprit. Alors, je vous propose un extrait d'une longue piste qui dure presque 20 minutes, une pièce réalisée en collaboration avec le groupe AGF, une pièce tirée de l'album Subsequent Materials et ça s'intitule Feedback.

Alors, on est de retour avec une seconde partie d'émission autour de l'artiste sonore Richard Chartier qui vit et travaille à Los Angeles. Chartier a réalisé quelques albums à partir de prises de son en direct sur le terrain, ce qu'on appelle en field recording. À ce propos, Chartier souligne en entrevue, et là j'ouvre les guillemets, qu'il n'est pas très intéressé par le field recording en soi, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de mystérieux ou d'exceptionnel, dit-il. J'en ai marre d'entendre des chants d'oiseaux, des carillons et le bruit des vagues. Le field recording doit nous transporter et pas toujours dans des endroits qui nous sont familiers. Dans cette veine, et là je ferme les guillemets, dans cette veine, Chartier a réalisé deux albums importants constitués de prises sonores en direct. Un album qui s'intitule Fields for Mixing, paru en 2010, et un second, Interior Field, paru en 2013. À propos de Interior Field, ce tout dernier, que je vais vous faire entendre là, dans quelques instants, c'est la suite du projet Field for Mixing, ce projet qui met en relief les propriétés acoustiques d'un lieu. Dans ce cas-ci, le projet combine des enregistrements réalisés sur un ancien site de traitement du sable à Washington, D.C., durant de très fortes averses de pluie. Chartier raconte que ces enregistrements à l'intérieur de bâtiments voûtés, dont les sols sont couverts de sable, suggèrent des univers acoustiques d'une profondeur insoupçonnée. Alors, on écoute Interior Field, c'est un extrait tiré de la partie numéro 2. J'ai souligné en intro que Richard Chartier était aussi connu sous le pseudo Pink Courtesy Phone. À ce propos, Chartier souligne que cet avatar se veut différent. Et là, j'ouvre les guillemets. Le travail sous mon propre nom est très formaliste, minimal et très posé. Le son est axé sur l'écoute et la spatialité. La sensation l'emporte sur l'émotion. Pink Courtesy Phone est un projet qui investit des territoires plus musicaux, des rythmes, des voix, des émotions exubérantes et une nostalgie un peu nébuleuse. On y retrouve des thèmes, des récits, un contenu plus émotionnel, de la sexualité, de nombreux langages codés. Tout ça m'a permis d'explorer une facette différente et plus personnelle, ou en tout cas davantage politique de moi-même. Pink Courtesy Phone est très libérateur. Et ça, c'est des propos, je ferme les guillemets, là, des propos recueillis par Pierre Cécile en 2014 pour le magazine Le Son du Grizzly. Alors, on écoute une courte pièce de Pink Courtesy Phone intitulée A Message. C'est tiré de l'album Talk the Pleasure Out of It, une pièce qui exprime bien, selon Chartier, le terme d'un voyage imaginaire dans une ambiance introspective et dont les voix et les tonalités de basse fréquence suscitent la réflexion. La prochaine pièce illustre assez bien ce que le critique Will Montgomery raconte dans un article paru en 2006 intitulé « À la surface du silence ». Et il dit ceci, qu'écouter le travail de Richard Chartier, c'est comme être assis dans une pièce au crépuscule pendant que la lumière s'amenuise. À mesure que les couleurs et les détails s'estompent, l'œil cherche à compenser, scrutant avec impatience le paysage qui disparaît lentement. Cette disparition en fondu provoque à la fois le désir et l'anxiété du spectateur. L'idée de voir et de ne pas voir devient aussi importante que les objets à percevoir. Le travail de Chartier joue ainsi un double jeu pour l'oreille, un jeu de séduction et d'évasion. Alors voilà, on écoute ensemble une pièce intitulée « Faulty Connection », c'est tiré de l'album « A Ravishment of Mirror Expanded ». Thank you. Alors ainsi s'achève notre incursion dans l'univers sonore du créateur minimaliste Richard Chartier. Vous allez trouver beaucoup de matériel sonore sur son site ainsi que sur la plateforme Bandcamp. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y trouverez le descriptif de l'émission ainsi que toutes les émissions en balado-diffusion pour écoute immédiate ou en différé. Pour terminer, alors on écoute une pièce intitulée « Static Forms ». C'est créé en 2015, une œuvre de Chartier inspirée de 12 images de Jan Schaab, qui sont des interprétations de 12 compositions sonores d'Asmus Tichen intitulée Tappenbeck, qui sont, elles, inspirées de 12 eaux-fortes de l'artiste Rolf Zander intitulée Tappenbeck, 12 Vertunungen, paru en 1975-77. Vous voyez, c'est construit comme des poupées gigognes. Et quant à moi, eh bien, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1. Et d'ici là, eh bien, prenez le temps d'être attentif aux sonorités autour de vous.